Alea jacta est. Faustine est de mauvaise humeur. Après son voyage à New York, dont, bonne patte, elle ne garde que les meilleurs souvenirs, se remettre à bosser derrière la machine à coudre, c'est le retour au bagne. Elle a raconté, presque en détail, ses aventures new-yorkaisques à maman. Loin d'être rassurée, la reine-mère doute de plus en plus du choix sentimental de sa fille. Comme autrefois avec Bernard, le premier fiancé, elle tente pathétiquement de renforcer son influence. Mais cette fois, elle a affaire à forte partie. Maxime ne lâche pas le morceau si facilement. Il sait écrire et ne s'en prive pas. Il se démène sur tous les fronts. Entretenant l'intimité par ses courriers et ses visites, il prépare activement son départ du foyer conjugal. Sa technique, véritable catalyseur de désamour, pour ne pas dire détestation, semble efficace. Hypochondriaque, distrait, impuissant, irresponsable, il sent sa femme se détacher de lui jour après jour. Le mépris n'est plus très loin. Faustine, lorsqu'elle va chercher les fournitures dans la zone industrielle de Nice, en profite pour passer dans la petite chambre qu'il loue à Simier au nom de François Maréchal. On se souvient que Maxime s'est procuré des vrais faux papiers à ce nom pour avoir la paix le jour où il disparaîtrait. Maxime, à l'occasion, passe y déposer les petites choses auxquelles il tient absolument. Parfois, ils s'y retrouvent et font chanter les ressorts du lit. À Grasse ou à Cannes, Faustine fait les boutiques. Trouve des chemises taille 42, des chaussettes pointure 43, une ou deux cravates, un pull bleu clair collant V comme il aime, un autre à col roulé. Elle fourre le tout dans un sac de voyage suffisamment petit pour être acceptée dans la cabine d'un avion. Elle y ajoute le disque de Jan Clausen et Bob Haggart, chippé sur demande express de son musicien, dans la discothèque maternelle. Faustine répond avec passion au courrier de son amour, partageant leur livre préféré du moment, Les chemins de Katmandou de Barjavel, Qui j'ose aimer de Bazin. Il les analyse. C'est l'occasion d'accorder leur violon sur les thèmes principaux de leur avenir commun. Faustine ne cache pas qu'elle voudra des enfants, un mariage en bonne et due forme, pas forcément dans cet ordre, et une vie normale, partagée entre vie de famille, voyage et travail, pas forcément dans cet ordre non plus. L'encre coule à flot. Maxime se bat, bec et ongles, raisonnement contre argument. Il a même offert un disque de Brassens à Faustine pour mieux appuyer son propos. Ne mettons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, devient son leitmotiv. Il prône un couple libre sans contrainte, surtout sans enfant. Il ne se résout pas à la partager. Prétendant que moins ils auront d'obligations légales, plus leur pérennité sera la confirmation d'un amour réciproque absolu. Faustine n'est pas d'accord. Elle sait, la bougresse, à moins que ce ne soit maman qui sache, que dans ce monde patriarcal, une femme, une mère abandonnée, est peu protégée. Des enfants, elle en voudra, elle insiste. Elle ne pourra pas dire qu'elle n'a pas joué carte sur table. Maxime, à bout d'arguments, s'incline. Quelque chose me dit que nous en aurons, mais ne promet rien formellement. Sur l'autre face du disque de Brassens, il y a aussi 95 fois sur 100. La femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Punition pour son entêtement ou provocation. Maxime, à brûle pour point, s'effraie de ce contre eux, le cul semble prédominer sur la tête. Qui remet-il en question ? En tout état de cause, refusant subito de devenir esclave de ses sens, il restreint leur transport, soumettant ainsi Faustine à un sevrage aberrant autant qu'injuste. La jeune femme, qui avait tout naturellement pris l'habitude de simuler quand son amoureux était trop gourmand, régulant ainsi ses propres besoins, s'étonne. Elle n'avait pas vraiment eu l'impression d'être devenue une bête de sexe. Au contraire, elle avait attendu patiemment qu'il ait enfin compris que les femmes étaient rarement vaginales. Pour sa part, une stimulation clitoridienne suffisait amplement. Alors pourquoi ce revirement? Et pourquoi cette décision unilatérale sans communication préalable? Alors qu'ils savent si bien aller au fond des choses par écrit d'ordinaire, sans fausse pudeur, on dirait qu'entre quatre yeux, les mots se dégonflent. Maxime est coutumier du fait accompli. Faustine, quant à elle, ne sait pas argumenter, encore moins justifier ses propos. Et puis finalement, au diable ses futilités, elle ne l'intéresse qu'à moitié. Est-il vraiment utile de se battre pour ça? Prendre son pied n'est pas forcément l'unique but de sa vie, même si ça fait du bien de temps en temps quand ça se déroule à la satisfaction mutuelle des protagonistes. Passons à autre chose, voulez-vous? Dans ce contexte, auquel on ajoutera la mort de Claude François le 11 mars, le désastre de l'Amoco-Cadix le 16, ainsi que l'enlèvement d'Aldo Moro, la pression mise par les parents de Faustine n'aide pas. Leur éventuel futur gendre va-t-il enfin se décider? Pas une semaine ne se passe à l'atelier sans qu'ils demandent des nouvelles à leur fille sur l'avancement des travaux. Marchant allègrement sur le souhait de Maxime de faire le moins de dégâts possible, il s'obstine à suggérer qu'un départ moins crocambolesque s'impose. Or, Maxime, bien qu'ébranlé, ne s'avoue pas tout à fait vaincu. Sais-tu que le bébé scorpion est le seul animal qui naît armé? Non, elle ne le savait pas, la Faustine, mais elle ne tardera pas à en prendre acte. Quelques semaines plus tard, pourtant, les pressions et les travaux de sape du clan Muller auront finalement gain de cause et convaincront Maxime de l'inutilité d'un drame médiatique. Tout le monde s'en tirera bien mieux avec un bon vieux divorce à l'amiable, croyez-nous. L'amoureux éperdu se laissera d'autant plus facilement convertir que d'une part il est épuisé de jouer la comédie de l'hypochondriaque impuissant chez lui et d'autre part, côté boulot, les choses avancent mieux et plus vite que prévu. Sa demande de mutation de l'usine de Saint-Janet à la maison mère de Corbeil-Essonnes a été acceptée. Dès le mardi 2 mai, Maxime y est attendu. Comme ce nouveau poste requiert des connaissances poussées en chimie, en physique du solide, en statistique aussi, il s'est remis aux études sérieusement cette fois. Ce job est un ballon d'oxygène, tu sais, il m'évite de m'encrouter. Quand on sera aux USA, je suis sûre que ces nouvelles connaissances vont m'être utiles. Faustine acquiesce et attend. On approche de fin avril. Au matin du 2 mai, Faustine décroche le téléphone. À l'autre bout du fil, Maxime exulte. « Bonjour mon amour, devine où je suis. Où ça ?»« J'ai bien l'honneur, mademoiselle, de vous causer depuis mon nouveau bureau parisien. »« C'est pas vrai. Tu es partie ?»« Comme ça que c'est que je vous le dis, il y a 2 jours. »« Génial, raconte !» Eh bien, samedi soir, quand je suis rentrée du pied bleu, Hélène m'attendait. Parfumée, pomponnée, très sexy, une vraie tentatrice. J'y fais celui qui ne voyait rien, refusait de comprendre. Elle s'est mise dans une colère noire. Jamais vu ça. Elle a hurlé, démarré une crise de nerfs, puis très calme tout à coup, m'a dit que je n'avais plus rien à faire ici. L'occasion était trop belle. J'ai pris mes cliquets, mes claques et me voilà. Comme ça? Oui, évidemment. Le temps que j'aille à ma voiture, quand elle a compris que je ne plaisantais pas, elle a flanché. Elle m'a couru après, m'a demandé pardon, m'a supplié de rester, au moins pour les enfants, que ça allait s'arranger, qu'on pouvait se donner une nouvelle chance. Je suis restée stoïque. Je n'ai pas répondu, j'ai démarré. C'était dramatique, surtout quand elle s'est accrochée au rétroviseur. J'ai eu très peur de la blesser. Avec ça, j'ai vu que sa mère arrivait en courant de l'autre bout de la rue. Aïe. Et après? Après, j'ai laissé tout le monde sur place. Je suis allée tout droit à la chambre de François. Quand je me suis regardée dans la glace, j'ai vu le reflet d'un beau salaud. Franchement, ma chérie, j'aurais préféré éviter une scène de ce genre, quoi qu'en disent tes parents. Maquiller ma mort aurait été plus simple. Mais voilà, les dés sont jetés cette fois. Et qu'est-ce que tu as fait ces 2 derniers jours? Pourquoi tu n'es pas venu me voir, tout ce temps perdu? Tu te rends compte? Je sais, mais vraiment, j'avais besoin d'une transition. De m'aérer les bronches, de me ressourcer seule. Dimanche, je suis allée dans l'arrière-pays. J'ai marché pendant des heures. Je me suis embourbée dans la neige. J'ai dû me battre longtemps pour me dégager, mais j'y suis parvenue. Ça m'a fait un bien fou. Je suis rentrée dormir à Cimiez. Lundi, j'ai étudié un moment, ensuite j'ai préparé mon sac avec tout ce que tu m'as apporté. J'ai nettoyé la piaule, je suis allée rendre la clé à la logeuse qui, heureusement, était là. Puis j'ai pris la route pour Corbeil. Je suis arrivée dans la nuit. En ce moment, je loge au Novotel. C'est un peu crade, j'ai pas le téléphone dans ma chambre. Je suis obligée d'aller au resto pour te joindre et la cabine est à côté des chiottes. Mais tu vois, j'y arrive. Et tu vas bien? Moralement, je veux dire. Ça va? Oui, je m'en sors. D'autant que jeudi, c'est l'Ascension. En partant de bonne heure, je vais bouffer les 1000 bornes. Tu vas voir comment. J'arriverai dans la soirée. Et on aura 3 jours ensemble. Lundi, je remonte à Corbeil. Mardi, je bosse. Les gars sont sympas. Le boulot aussi. Je te raconterai. Youpi, on va pouvoir aller pique-niquer et puis se balader dans l'arrière-pays. J'achèterai des côtelettes d'agneau. On fera du feu. Hein. Et surtout, on sera tous les deux. Enfin, mon amour, je vais m'appliquer à te faire oublier ta longue attente. Je t'aime à la folie. Je t'embrasse tout partout. Moi aussi, je t'aime. Veux-tu que je les plaque plus vite et que je monte te rejoindre? Surtout pas, tu vas sûrement être surveillée pendant quelques jours, semaines peut-être. Nos départs simultanés feraient vraiment mauvais effet. Et tous mes efforts pour te protéger auront été vains. J'ai prévenu mes parents que j'étais partie, seule. Pas à cause d'une autre, mais parce que la situation était devenue intenable. Si tu me rejoignais maintenant, ça foutrait tout par terre, surtout sur un plan juridique. Je comprends. Je ferai ce que tu me diras, promet Faustine en raccrochant, avant de se lancer dans une danse sauvage. Il l'a fait, il l'a fait, il est parti de chez lui, il m'aime vraiment, on va vivre ensemble, on va se marier, la vie est merveilleuse.